Ndikomanyanga. Alphonse Kugimana sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganiro. À cette actualité dont voici d'abord le sommaire. Le parti Prona apprécie positivement la réaction du chef de l'État de destituer de leur fonction des hauts cadres chargés de la justice au bureau de la présidence de la République. Il veut que cela se passe dans d'autres secteurs de la vie du pays. La pénurie du sucre continue à s'observer dans différentes boutiques de la mairie de Bujumbura. Certains commerçants affirment qu'ils viennent de passer une année sans pouvoir vendre cette denrée alimentaire. Et les consommateurs qui ont le pouvoir d'achat se rabattent au sucre importé. Et à Kayanza, les commerçants et les acheteurs au marché de cette province divergent sur la décision de fixer des prix officiels pour chaque produit. Une tâche est donnée par le président de la République au ministère du Commerce. Mais du côté des commerçants, l'on trouve et qu'avant la fixation de ces prix, il fallait d'abord rendre disponible le carburant. Bienvenue à cette actualité. L'association communautaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme, ACPDH, se dit satisfait de la mesure du président de la République de destituer trois de ses cadres accusés d'avoir libéré des prisonniers qui ne figuraient pas sur la liste de ceux qui devraient bénéficier de la grâce présidentielle. Fulgence Manira Hinyuza, président de la CPDH, espère que la nouvelle équipe va exécuter la mesure du président et libérer ceux qui en sont bénéficiaires. On l'écoute. Notre réaction par rapport à la décision du président de la République de destitution de ces personnes qui n'ont pas pu exécuter l'ordre du président de la République pour libérer les personnes en détention. Nous avons un sentiment de remerciement d'abord pour avoir pris cette décision de les destituer parce que le président de la République, quand il prend une décision de libérer ou n'importe quelle décision par exemple, tout le monde a l'obligation de l'exécuter. C'est dans ce sens que nous, à la CPDH, nous sommes satisfaits pour la prise de cette décision. Donc, il faut que la mesure du président de la République soit exécutée par les personnes qui ont été mandatées pour la mise en œuvre de cette décision. Les personnes qui n'ont pas été libérées alors qu'elles en étaient bénéficiaires, nous les encourageons à garder leur calme. Nous les encourageons à garder leur calme et la nouvelle équipe mise en place par le président de la République pourra prendre une décision, pourra exécuter la mesure du président et que ces dernières seront aussi libérées très prochainement. Le parti Prona apprécie positivement la réaction du chef de l'État de destituer de leur fonction des hauts cadres chargés de la justice au bureau de la présidence de la République. Olivier Nkurunziza, le président de ce parti qui le dit, appelle le président Évariste Ndayishimiye à assainir dans d'autres secteurs pour mettre fin à ce genre de tricherie. Le président du parti Prona appelle également les responsables publics à respecter la loi civile. Nous félicitons son Excellence le président de la République parce que cette fois-ci, sa parole a été accompagnée par l'action. Parce qu'il le disait qu'il va punir les gens qui sont à l'encontre de ces directives. Et voilà aujourd'hui que ses proches et collaborateurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent au bureau de la présidence, qui ont dévié l'orientation de son Excellence le président de la République, ont été punis. Premièrement, ce qui nous enchante, c'est que ces personnes ont été chassées, mais ils ont été encore poursuivis. Ça, c'est vraiment des nouveautés parce qu'on les chassait seulement et sans poursuite. Ils ne s'inquiétaient de rien. Mais aujourd'hui, ils sont d'abord chassés de leur fonction, mais aussi sont poursuivis par la justice. Ça, c'est très important. Et pour nous, au niveau du parti IPRONA, c'est la satisfaction. Nous encourageons le président de la République de continuer dans ce sens. Dans tous les secteurs de la vie du pays, nous savons des gens corrompus dans la justice, dans l'exécutif et dans les différents ministères. Là-bas, il faut effectivement que le président de la République accélère. Pour qu'effectivement il y ait changement de mentalité, pour qu'il y ait le changement de la façon de faire, c'est cela qui a provoqué qu'il y ait une perte énorme, qu'il y ait la pauvreté, qu'il y ait presque tous les secteurs de la vie du pays qui sont corrompus parce que les personnes ne sont pas inquiétées. Bien sûr, ils peuvent être démis ou chassés de leurs fonctions, mais ils n'étaient pas poursuivi par la justice. Mais aujourd'hui, comme ça commence, c'est le début, nous demandons à Son Excellence le Président de la République de continuer dans cette direction, dans ce chemin, pour qu'effectivement le pays soit sauvé de ces groupes déjà corrompus et qui ont poussé que le pays soit arrivé dans cette situation de la corruption extrême dans notre pays. Les propos d'Olivier Nkurunziza ont été recueillis par Lydie Iga Ahimbari. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Campé sur la province de Cibitoke où un homme a été poignardé, un autre sérieusement battu dans la nuit de samedi de la semaine passée par les jeunes de la Ligue du Parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Cet incident s'est passé sur la colline de Marambo, en commune Rugombo, lorsque les victimes, dont l'une est membre du parti CNL, ont été tabassées lorsqu'ils rentraient chez eux. Les habitants de Marambo demandent que ces jeunes soient punis conformément à la loi. Deux jeunes Zimbonarakure sont déjà aux arrêts pour des raisons d'enquête, indique le chef de zone Rugombo, le point avec Stera Ndayishimi. Cet incident s'est produit vers 22h lorsqu'ils rentraient chez eux, comme rapporte ce témoin. C'était environ 22h. Je passais ici, rentra à domicile. À quelques mètres, un certain Davidi m'a appelé pour me faire à boire. Ceux qui étaient ici s'appelaient au téléphone, disant qu'il y a des gens en leur quête. Ce détenteur de la boutique en serait témoin, puisqu'il était là. Nous étions ensemble. Moi, je l'ai laissé ici. Par après, on l'a accusé d'être militant du parti CNL et avoir fait échapper ses confrères. C'est ainsi qu'il a été poignardé et sa mallette a été volée. Parmi les raisons, explique la victime, il venait au secours de son compagnon qui était sur le point d'être poignardé. L'administration zonale demande l'intervention de la justice et les forces de l'ordre. Daniel Bukuru, le chef de zone Rugombo. L'administration à la base nous a informé sur le cas. Notre première préoccupation est de secourir les victimes pour qu'ils soient soignés. Nous demandons les forces de l'ordre et la justice d'intervenir. Nous convoquons des réunions à l'endroit de la population pour tranquilliser. Le secrétaire communal du parti CNDD-FDD, Evariste Nimbona, indique que ces personnes ont agi individuellement sans l'ordre de son parti. Les victimes, quant à eux, demandent que justice soit faite. Les commerçants et les acheteurs au marché de Kayanza divergent beaucoup sur la décision de fixer des prix officiels pour chaque produit, une tâche donnée par le président de la République au ministère du Commerce ces derniers jours. D'un côté, les commerçants trouvent qu'avant la fixation de ces prix, il fallait d'abord rendre disponible le carburant du fait que la cherté des produits dépend surtout du coût élevé de transport, et ce à cause de la pénurie du carburant. De l'autre côté, les acheteurs apprécient cette décision, expliquant que beaucoup de commerçants spéculent prétextant la pénurie de ce carburant, surtout de type mazout. Une information que nous devons à notre confrère Patrick Senghioumf. En fin de l'année passée précisément, en date du 27 décembre l'an 2024, dans une émission publique qu'a animée le chef d'État burundais, il a interpellé au ministre et à le commerce et dans ses attributions à fixer des prix officiels sur différents produits qui sont vendus au marché. Les commerçants et les acheteurs au marché de Kayanza n'ont pas accueilli de la même manière manière cette décision. Les commerçants de leur côté indiquent qu'ils fixent des prix de vente de leurs marchandises selon les moyens qu'ils ont engagés pour s'approvisionner en ces produits. Les commerçants exerçant leurs activités commerciales au marché de Kayanza craignent le travail à perte une fois la commission chargée de fixer les prix officiels si différentes marchandises ne tient pas en considération les difficultés rencontrées par les commerçants pour s'approvisionner en marchandises. Certains disent d'ailleurs que la pénurie du carburant, surtout celui du type mazout, serait l'une des causes de la montée des prix des marchandises, car déplorait-ils le coût de transport de ces marchandises d'une province à l'autre leur coûte énormément cher. Ils demandent au gouvernement burundais de rendre disponible le carburant et les devises aussi afin de faciliter le libre-échange des marchandises et consécutivement à ça, ajoutait-il, la baisse des prix de différents produits au marché. Les acheteurs de leur côté apprécient positivement cette décision du numéro 1 burundais de fixer les prix officiels sur différents produits, expliquant que plus d'un parmi les commerçants spéculateurs prétexte la pénurie du carburant pour élever les prix des marchandises. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isangani. De Kayanza, revenons sur Bujumbura où la pénurie du sucre continue à s'observer dans différentes boutiques de la capitale économique, comme constaté sur plus de 4 boutiques visitées par la radio-télévision Isanganiro. Certains commerçants affirment qu'ils viennent de passer une année sans pouvoir vendre cette denrée alimentaire. Et certains consommateurs disent que quelquefois, ils s'en approvisionnent dans des alimentations, surtout celui en provenance de l'Ouganda, à un prix variant entre 8 500 francs et 15 000 francs bou. Ornella Muto a fait le tour de son reportage. Le sucre reste de nouveau introuvable dans les différentes boutiques des quartiers de la ville de Bujumbura, comme constaté sur place en zone Kinindo, en commune Mouhasso, lundi. 6 boutiques sur 6 visitées, à partir de l'avenue Nzero jusqu'à la route Lumongue-Bujumbura, dans cette même zone de Kinindo, n'avaient pas ce produit. Certains tenanciers de boutiques interrogés à ce sujet disent que le sucre devient de plus en plus rare suite au manque d'approvisionnement en quantité suffisante. Comme conséquence, certaines boutiques ne sont pas servies. Le sucre ne se trouve presque nulle part dans différentes boutiques, mais je pense qu'on peut le trouver dans des supermarchés. Moi, je pense que ça fait presque un an sans vendre ce produit. Certains consommateurs se disent désemparés car le seul sucre trouvé dans les supermarchés de Bujumbura, le sucre importé de l'Ouganda, et que suite à son prix élevé, ils préfèrent l'acheter une fois le mois. Ils indiquent que dans des marchés, ils l'achètent à 8 500, et dans les alimentations, le prix varie entre 9 000 à 12 000 francs bou. D'autres disent qu'ils ont carrément arrêté d'acheter le sucre et préfèrent donner du lait à leurs enfants à la place du thé, ce qui ne facilite pas la tâche aux parents, surtout que le prix du lait a sensiblement augmenté. On ne boit plus du thé suite au manque de sucre et on a opté pour le lait à la place du thé. Et les enfants se plaignent qu'ils ne boivent plus le thé le matin. Tous se lamentent de la pénurie persistante du sucre de la Sosumo et demandent au gouvernement de fournir plus d'efforts pour disponibiliser ce produit de première nécessité, surtout pour des familles qui ont des enfants. Captez Isanganiro, écoutez la différence. En actualité sportive, la formation féminine Top Girls qui évolue dans le championnat de la première division Limitel Women's League a terminé ce week-end la phase aller en tête du classement avec 27 points. L'autre actualité sportive qui a marqué le week-end écoulé est le match amical entre les anciens joueurs de Vitalo et les artistes qui a été organisé dans le cadre du jubilé dédié à Gilbert Kanyangore, le coach de Vitalo, connu sous le sobriquet de Yaoundé. En Europe, l'équipe catalane de Barcelone a remporté sa 15e Supercoupe d'Espagne au terme des matchs au scénario fou à Jeddah en Arabie Saoudite après avoir battu Real Madrid 5 buts à 2. Les détails de cette actualité sportive avec Jean-Marie Vianney Guindakouman. Ce dimanche, la Fédération burundaise de rugby a lancé officiellement les activités du championnat national édition 2024-2025 qui sera organisé dans 3 provinces du pays, à savoir Lumonge, Bujumbura et Ngozi. Albert Abzalimana, président de la Lutte Fédération, fait savoir que ce championnat sera de haut niveau techniquement suite à la formation qui a été dispensée par les experts internationaux de rugby. Je dirais que ça a été très très bénéfique. politique, au niveau de l'organisation des arbitres, au niveau technique des arbitres, il y a une grande amélioration. Au niveau des coachs, à voir le jeu qui est en train de se faire ici, ils ont beaucoup amélioré. C'est pour ça qu'on a notre devise. Au niveau du rugby, c'est toujours aller vers l'avant. Au volleyball, le championnat de l'association de volleyball amateur de Bujumbura Avabe a continué ce week-end. Côté féminin, EGA a battu Panthers 3-7-0. Au moment où la formation militaire de Muzinga s'est inclinée 3-7-1 face à Jinda Light Club. Côté masculin, Amikari a battu les As 3-7-0. Au moment où la formation policière de Kinzo a corrigé Bissoro sur un score de 3-7-0. Au football, le championnat de la deuxième division était à sa quatrième journée le week-end écoulé. Tel Aviv a battu les Guépiers 3-0. Le match qui a opposé Kizunka, Mandarine et Panthère Noire s'est soldé sur le score vierge 2-0 partout. Le championnat féminin de football, Limited Women's League, a clôturé la phase aller ce dimanche. Le match qui a opposé Buja Queens et Inouar Kazi s'est soldé sur un score vierge 2-0 partout au moment où l'équipe Top Gaze a battu Nyang FC 3-0. Cette victoire a permis à la formation Top Gaze de terminer la phase aller en tête du classement provisoire avec 27 points. Football est toujours l'autre actualité sportive qui a marqué le week-end écoulé. Ce dimanche était organisé dans les enceintes du Centre Technique National Sizianga Gala, un match de gala à l'honneur de jubilé de 71 ans de l'entraîneur Jean-Gilbert Kanyengore alias Yaoundé. Ce match opposait les anciens joueurs de Vitalo et l'équipe All-Star réunissant différents musiciens. Ce match s'est terminé sur un score de parité d'Embi partout. Signalons que Jean-Gilbert Kanyengore a donné une quinzaine de coupes à Vitaro et a été entraîneur de plusieurs grands noms de football burundais. En Europe, la formation FC Barcelone a remporté sa 15e Super Coupe d'Espagne au terme des matchs de scénario au Fru de Gérard en Arabie Saoudite après avoir battu Real Madrid 5-2. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel. Le parti Prona apprécie positivement la réaction du chef de l'État de destituer de leurs fonctions des hauts cadres chargés de la justice au bureau de la présidence de la République. Et fait que cela se passe dans d'autres secteurs de la vie du pays. La pénurie du sucre continue à s'observer dans différentes boutiques de la mairie de Bujumbura. Certains commerçants affirment qu'ils viennent de passer une année sans pouvoir vendre cette denrée alimentaire. Et les consommateurs qui ont le pouvoir d'achat se rabattent sur le sucre importé. Et à Kayanza, les commerçants et les acheteurs au marché de cette province divergent sur la décision de fixer des prix officiels pour chaque produit. Une tâche est donnée par le président de la République au ministère du Commerce. Mais du côté des consommateurs, l'on trouve qu'avant la fixation de ces prix, il fallait d'abord rendre disponible le carburant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Koubguimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikubananga. Bonne suite des programmes sur Sanganiro.